picture on my wall. If it reminds me that it's not so bad, it's not so bad. And I want to thank you for giving me the best day of my life. Oh, just to be with you is having the best day. Arc-en-ciel, bienvenue dans les ondes du 96.2 FM, dans les ondes, on croirait sur RTL. Heureux d'être avec vous, c'est Funky dans la radio, 17h02 avec le meilleur de Dido. Ouais, ça c'est le temps que j'aille boire un bon café. Hey, Energy, ça arrive aussi pour les meilleurs souvenirs. Pour rejoindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. C'est pour Virginie qui nous écoute sur le 96.2 FM, le meilleur des souvenirs disco. En 1984, le top du disco avec Evelyn Thomas et High Energy. Yeah. Radio Conseil, le meilleur des souvenirs, 1984, Evelyne Thomas. À l'époque du disco, on faisait la fête sur la piste avec Ike Energy. Et là, j'adore, là le généraux qui arrive. Oh. Voici le coup de cœur de la radio, les 4 fantastiques. Tant qu'on a la santé, y'a la madre qui m'appelle, le petit frère qui vient tomber. On sait pas où la vie nous mène, y'a Dieu qui peut me juger. Pardon si je t'ai fait de la peine, tu sais que sur moi tu peux compter. Arrête de me faire le pot, tu t'es pris pour un narco. Pas à l'abri de faire fumer par un zemel compacho. Marseille, c'est le bled. Okay. Le hack se fait soulever par le raid. Okay. Ici, toutes les balances sont wanted. Tum-tum au feu rouge, les rissoles. Ne me parle pas et fais ta folle. Elle voit déjà le voyage de noces. Oh. On est là, mais la fête est fausse. La tête dans les billets, on fait que des sales. Y'a les chemises dans les fous. Pas les couilles des jaloux. Les schmitts rend les fous. Faut faire des sous. On s'emballe et qu'on prend tout. On tient le coup. Si y'a les schmitts rend les fous. Ah, on les rend fous, hein. J'adore ça. Les 4 fantastiques, l'Algérino, toute la famille. On l'accueille au téléphone, c'est Laurent. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. 96.2 FM en pleine municipale. On est avec Laurent au téléphone. Alors, Marie-Agnès Laguet qui tient ses engagements. C'est ce que tu me dis, Laurent. Bonjour, Laurent. Alors, oui, Marie-Agnès Laguet effectivement tient ses engagements. Là, je voulais t'annoncer une bonne nouvelle avec trois des colistiers. Ils cherchaient du travail et qui en ont trouvé. Eh ben bravo. Forcément grâce à Marie-Agnès, mais voilà. L'efficacité, la disponibilité, ça paye. Bah ça paye un jour ou l'autre, hein, d'être toujours à l'écoute des gens, des habitants de Fleury-les-Aubrais. Là on parle de Fleury-les-Aubrais notamment aujourd'hui. Voilà, et puis bah, c'est des personnes que j'aime bien, qui sont engagées, tu vois, dans la, ouais. notamment auprès des Maisons pour tous, et qui ont vraiment fait une très très belle campagne. Et là, voilà, on est tous heureux ce soir. Et ben, on est super contents pour eux. Ça fait du bien de retrouver du boulot par le temps qui court, et puis avec tout ce qui se passe en ce moment avec le corona qui court un peu partout, en France, et en Europe, et sur la planète même. Voilà, bah, tu as l'occasion de rappeler que la ville de Fleury a une cellule de veille permanente pour adapter donc les mesures aux consignes qu'on reçoit de la préfecture notamment. D'accord, ok. Eh bien voilà, mon Laurent, bah, je te remercie de cette belle info. Hein, oui, voilà, c'est super, j'adore. Et puis j'essaierai d'appeler Marie-Agnès quand même avant dimanche. Hein, on va voir comment elle se sent. Bah, avant vendredi, parce qu'après t'as pas le droit. ouais, avant vendredi. Moi je passe les droits, moi. Bon, si elle passe pas à la radio, c'est bon. Non, ça va aller, t'inquiète pas, on n'est pas comme ça. Voilà. Merci de ton appel, Laurent. Je te souhaite une très bonne journée, ouais. Et puis à très bientôt. Merci de ton appel. Bonne journée, Laurent. En direct sur Radio Arc-en-Ciel, on est heureux de vous retrouver. On va parler pas municipal aujourd'hui. Hier, on en a parlé. Hein. Gilles de Souza était notre invité. Il est candidat à la mairie de Olivet pour 2020, les municipales. Aujourd'hui, on va parler sport. J'ai un chat dans la gorge. Voilà, une chatte peut-être. Les Yellow Boys USO seront nos invités. Et puis Dubsy, chanteur, qui sera aussi aux alentours de 18h dans les studios de la Radio Arc-en-Ciel. Et puis du son caliente avec Obsession. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Something flavor. Hello? Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada. Pensando en tu belleza, en loco voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio. Y hasta que no seas mía, no viviré en paz. He conocido un novio, pequeño y no buen mozo. Y sé que él no te quiere por su forma de hablar. Además, tú no lo amas porque él no da la talla. No sabe complacerte como lo haría yo. Pero tendré paciencia, porque él no es competencia. Por eso no hay motivos para yo respetarlo. Te voy a enamorar. Disculpa si te ofendo. Pero... Bessamor, Bessamor, oh, l'aventura, Obsession sur un arc-en-ciel, c'est mardi. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et le mardi, c'est Libre Antenne, on vous l'a dit, et puis on accueille Bruno au téléphone. Ah, on accueille Bruno, bah c'est pas grave, va nous rappeler. Bon, la bicyclette qui arrive, et puis on va retrouver Bruno. Pasado. No voy a perder. Yo no quiero ser un tipo de otro lado. A tu manera es complicado. En una bici que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón. Latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón. Latiendo por ti, latiendo por ti. Puedo ser feliz. Relajada entre la gente. Yo te quiero así. Y me gustas porque eres diferente. A mi manera, despelucado. En una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esta zona. Desde Santa Marta hasta la Arenosa. Llévame en tu bicicleta. Pa' que juguemos por la tapa y en chancleta. Que si a ti que algún día le muestres en Tayrona. Después no querráis ir pa' Barcelona. A mi manera, descomplicado. En una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón. Latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón. Latiendo por ti, latiendo por ti. Llévame tu bicicleta. Radio Concert en direct avec le bon souvenir Carlos Vives et Shakira, la bicyclette, redéfait avec vous. 17h20 minutes avec du Socaliente, Ciencio qui arrive. Et puis nos invités, je vous le disais tout à l'heure, Yellow Boys, USO seront là. Et puis Dobsy aussi, un chanteur, un bon chanteur, un vrai. Des purs, du dur, en direct à la radio. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et puis du bon son latino avec ce tube, Si Ancio Mama Meet. Cuando me miras así, no sabes lo que te haría. Un poco por acá, un toque por allí, del mundo te olvidaría. No te lo guardes, mami. Ganas si desconfías. En esta noche sí, me lo das a mí. Te sacas la lotería. Ven, mamita, ven que yo quiero tenerte. Cámbiame la suerte. Esto es algo urgente. Ven que ya no aguanto. Ay, mamita, ven que tú me al seguro, mami, que tú vienes aquí. Gritar a los cuatro vientos, ay, mami, te lo guardes, mami. Qué ganas si desconfías. En esta noche sí, me lo das a mí. Te sacas la lotería. Ven, mamita, ven que yo quiero tenerte. Cámbiame la suerte. Esto es algo urgente. Ven que la noche es joven, ya te llegó la hora de que un hombre como yo te valore. Tú sentirás fuego, princesa, te quedarás conmigo hasta que el día venga. No me miras así, no sabes lo que te haría. Un poco por acá, un toque por allí, del mundo te olvidaría. No te lo guardes, mami, que ganas si desconfías. En esta noche sí, me lo das a mí. Sacas la lotería. Ven, mamita, ven que yo quiero tenerte. Cámbiame la suerte. Esto es algo urgente. Ven que ya no aguanto. Ay, mamita, ven que tú me gustas tanto. Y este nunca miente. Ay, mamita, ¿qué quieres? Somos CNCO. Ay, con music. After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. L'After Job avec Frankie, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Arc-en-Ciel, 17h33 minutes. Hier, on avait Gilles de Souza qui se présente à la municipale, à la mairie d'Olivet. Il était notre invité. Aujourd'hui, à 17h30 minutes passées, on reçoit les Yellow Boys en direct. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. L'invité du jour, les invités du jour, ils sont dans les studios de la radio. Je les accueille, les Yellow Boys USO. Go, go! On va commencer avec qui? On commence avec toi. Bonjour, tu t'appelles comment? Moi, c'est Jérémy, vice-président du groupe des Yellow Boys. Salut le vice-président, tu vas bien? Ouais, ça va toi? Ouais, avec, t'es venu avec un camarade. Je suis venu avec un de mes membres, un de mes fidèles, ouais. Hugo. Il va se présenter, bonjour, tu t'appelles comment? Bonjour, c'est, moi c'est Hugo, bah, Jérémy m'a recruté cette année, voilà, je suis avec les Yellow Boys maintenant, voilà. Depuis, ça fait à peu près 3 mois. 3 mois, ça va. Bon, on va commencer avec le vice-président, bonjour vice-président. Alors, les Yellow Boys, explique un peu à nos auditeurs, c'est quoi les Yellow Boys USO? Bah, on suppose que c'est les supporters de l'USO, mais... C'est ça exactement. Football, ouais. Hein. On est une association de supporters de l'US Orléans. Voilà, comme énormément d'associations supporters ou d'autres associations à but ultra et tout, ouais. Ça, voilà. Nous, on fait tous les déplacements, tous les matchs à domicile au maximum possible, en fait, pour encourager l'équipe. Il faut. Et pour gagner. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment, ouais. Le cadre au classement, ça colle pas alors, va-t-on. C'est vrai, je te coupe, excuse-moi, en ce moment on n'a pas de bol. Bon bah ça se passe un peu mal pour l'USO malheureusement. Nous on est un peu déçus aussi. Et puis le coronavirus qui vient aussi mettre sa patte là-dedans. Donc ça plus ça, bah c'est pas terrible. Hein. Non, complètement, non, là c'est la catastrophe, dans le sens où tous les matchs à huis clos jusqu'au 15 avril. On va en parler justement. C'est pas une grande décision qui a été prise par le président de la République, hein, monsieur Emmanuel Macron. Alors on parle de vous, de cette association. Elle est démontée quand, l'association des Yellow Boys? En septembre 2018, ça s'est monté en septembre 2018. Ouais. Une petite année de galère. Pourquoi? Parce que ça s'est monté en cours de saison, parce qu'il n'y avait plus d'ambiance dans le stade suite à, comment dire, à l'interdiction de l'autre association de supporters. C'était les Drouguises, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais, mais non, c'est pas grave, ça dérange pas. Ouais, non, bien sûr. Non, c'est bon. Et comment dire, et du coup, voilà, on a fait une petite année, on a marché un peu sur des œufs, mais là, c'est bien parti. On a de plus en plus de monde, du jeune, voilà, et des enfants. Alors vous, c'est quoi la différence, vous et les Drouguises qu'il y avait avant? Alors, quelle différence y a-t-il entre les supporters? Parce que, est-ce qu'il y a une différence? En fait, la seule différence, c'est que nous, on n'est pas dans la mouvance ultra, dans le sens où, la mouvance ultra, c'est beaucoup représentatif de la violence et de non-respect des règles, par exemple, la pyrotechnie, mais. Ça s'interdit, ça. Ouais, c'est interdit, mais sinon, tout le reste, en fait, d'à côté, les actions, tout ça, encourager l'équipe, suivre partout, on est dans la même lignée, puisque de toute façon, on est Orléanais tout pareil, on suit le club tout pareil. Ah oui, comme nous, voilà, puis nous, ce qui nous démarque, c'est que nous, on a beaucoup de familles, on a quelques femmes, des enfants. Ouais. D'ailleurs, voilà, c'est ça, on a un groupe un peu plus famille, mais par contre, on a un peu plus famille dans nos membres, mais aussi, on est famille dans le sens où on a tissé des forts liens entre nous, et quand on est ensemble, c'est pas on est entre amis, c'est on est en famille, quoi. D'accord. Est-ce que vous avez trouvé des ententes avec le club par rapport aux Drouguises qu'il y avait avant? Est-ce que avec le président du club, vous vous êtes rencontré en disant bah on va faire ça, on va faire ça par rapport à ce qui s'est passé avant, on va essayer de faire peut-être mieux? Pour l'instant, on a peu discuté avec le club. C'est un peu dommage quand même, non? Mais moi je suis en contact avec les responsables de leur groupe, donc d'accord. Mais tout se passe bien, même en déplacement, il y a aucun problème, on discute entre nous. Bien sûr. Des fois on discute sur les réseaux entre nous, donc il y a aucun souci. Il y a aucun souci là-dessus, on avance dans le temps. C'est bien d'avancer. C'est clair. Je viens vers toi, Hugo. Non, c'est pas Hugo, c'est ça? Si, c'est ça. Ouais, je me trompe pas. Si je me trompe, tu me rattrapes. Hein. Hugo, problème. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie aujourd'hui de rejoindre les Yellow Boys? Depuis combien de temps, tu m'as dit? J'ai dit 3 mois, mais en fait, ça fait depuis à peu près 5 mois, puisque je suis là depuis Valenciennes, un truc comme ça. Valenciennes. Et alors déjà fan de foot, tu joues au football toi un petit peu? Maintenant je suis éducateur à l'USO justement. Ah ouais, carrément, ouais. Ah c'est bien ça. Ouais, j'ai vu t'avais le bouge là, la doudoune, officiel. Tu vas nous la filer après. Non, alors qu'est-ce qui t'a donné aujourd'hui justement l'envie d'avoir envie, comme disait Johnny, non, l'envie de rejoindre les D'abord maintenant comme je suis en études sur Orléans, du coup j'ai pris un abonnement. Et quand Jérémy m'a contacté, j'ai direct accroché, puisque je me suis pris un peu d'affection pour l'équipe, on va dire. Ouais, d'accord. Et du coup, franchement, ça m'a bien donné envie. J'ai fait un essai, puis j'ai signé direct. Alors, ça se passe comment quand vous arrivez dans un stade, enfin l'USO par exemple, on va prendre à domicile, hein. On s'organise comment? Il y a des banderoles, il y a des cris, il y a des chants, il y a des choses de prévues. Vous êtes organisé là-dessus, ou alors ça y va comme ça au feeling, on va dire, du match? On a une organisation. Excuse-moi, je te coupe. On a une organisation. Comme tous les groupes de supporters, dès le début du match, on se met en place, on va à notre local, on récupère nos badges, tout ça, drapeaux, on se met en place, on les installe bien avant le match. Ça prend du temps, donc on installe on a deux badges, on installe la grande, la petite, on installe nos drapeaux, tout ça. Comme tous les groupes de supporters, on vend nos écharpes, nos stickers. Vous avez vos trucs à votre nom, carrément. C'est qui paye? C'est l'association qui paye tout ça, ou c'est le vaisseau qui vous file un peu de main? Non, c'est nous, on est financièrement on est indépendant du club. On est indépendant du club on produit nos propres produits, on a des stickers, j'en ai plusieurs variétés d'ailleurs avec moi. D'accord. On vient de sortir notre deuxième version d'écharpe. en fait, on se finance comme ça. En fait, on vendant nos produits, c'est ce qui fait permet le développement financier du groupe. Ouais. Voilà, ce qui permet de financer des animations petites comme grandes. Quand je dis animations, voilà, il arrive pour beaucoup. Il y en a qui font des jetés de confettis. Pour ceux qui ont plus de moyens, il y a des tifos à répétition. Ah ouais, ouais, voilà, carrément. C'est, ouais, ouais. C'est toute une organisation, en fait. C'est une belle organisation, ouais, en tous les cas. Ouais, c'est du boulot. Vous payez, vous, l'entrée du stade? Je me pose la question. Bah, nous, voilà, on a des tarifs préférentiels, forcément. Ouais. On a des c'est pas de gratos pour vous? Non. C'est pas gratuit. Je pensais que c'était gratuit, moi, pour. Ce serait beau. Non, mais je veux dire, si vous êtes là tout le temps, on encourage le club à un moment, voilà. C'est ça. On a des tarifs. Je poserai la question à Thomas Renaud qui vient le 24 ici en direct. Ouais. On a des tarifs sur les abonnements, au contraire, et comment dire. Et on a un tarif réduit, hein, comme l'autre groupe, mais sinon, ouais, on paye. Il y a pas, bien sûr, qu'on paye. Ouais. En tout cas, bon, on va parler un peu de l'USO. Ils sont derniers, je crois. C'est ça. Ouais. J'ai même pas besoin de calculer parce qu'apparemment hier ils ont perdu encore. C'est ça. Ils ont perdu combien hier? On a perdu 1-0, ouais. Mais 1-0 honnêtement, sur un penalty. Ouais. Sinon le match, honnêtement, je le voyais pas du tout, ce scénario-là. Tu voyais comment? Moi, pour moi, j'aurais bien vu une toute petite victoire 1-0 parce que la première mi-temps. Ouais. Je connais pas les stats, je sais pas la possession, tout ça, je les ai pas vus. Ouais. Mais pour moi, ça se valait vraiment sur le terrain, attaque contre attaque, ouais, dans les deux sens. Et pour moi, à un moment sur la fin du match, quand on perd 1-0 sur un penalty. C'est les règles du jeu, ouais, une main sur un tacle, voilà, il y a pénalty. Pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Tu disais quoi, Hugo? Selon les règles, normalement, sur un tacle, une main, c'est pas pénalty. C'est pas pénalty, ouais, d'accord. Okay. Ouais, Et du coup, à l'arbitre, il a sifflé un pénalty, on prend un but, voilà, c'est comme ça. Mais sur la fin du match, on tenait. Et il y avait la place pour en marquer un, pour égaliser, limite, voire mettre un deuxième, parce qu'ils étaient repliés en défense. En soi, et ils peinaient. Ils avaient eu de la chance qu'ils ont un bon gardien. Quoi. D'accord. Est-ce que ça va être compliqué aujourd'hui de se maintenir? Ah, ça va être compliqué, je pense. Ouais. Mais vous qui connaissez un peu le. Moi, je connais un petit peu. Hein, je vois à peu près le classement. Je vois, il reste combien de matchs jusqu'à la fin? Il reste 10. 10 matchs. Donc, il faudrait gagner les 10, quoi, en gros. C'est pas un peu ça, non? Dans le meilleur c'est quoi le calcul, tiens, Hugo? Le calcul, c'est quoi le meilleur calcul là? Il faudra gagner combien de matchs à peu près pour se maintenir? Enfin, après, il faut voir ce que font les autres en face. Dans le meilleur des scénarios, il faudra tous les gagner. Mais après, comme t'as dit par rapport aux autres, le problème, c'est que si nous on gagne. Et que les gagnent en face? Et que les autres gagnent en face, ça change rien. Donc, faut qu'il y en a qui perdent. Dès qu'il y a un faux pas, faut en profiter. Et là, le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de faux pas et nous, on n'a pas su forcément en profiter. Ouais, c'est ça, des faux pas. Et alors, encore un faux pas, le coronavirus, malheureusement, des matchs à huis clos. Hier, c'était un match à huis clos. C'est ça? Alors, c'est ça. C'était compliqué. C'est compliqué de jouer à huis clos. Il n'y a personne dans le stade. Bah, c'est ça. Et en fait, déjà, ce qui était un net avantage pour nous à la base à Lens, c'était que le public lensois. En plus, ils sont chauds à Lens. Hein. Bah, ils sont chauds. C'est un public qui a nulle part ailleurs. Souvent, ils sont comparés à Marseille ou à Paris. Mais Lens, c'est vraiment quelque chose à part. Il y a un état d'esprit vraiment qui tient de leurs origines, en fait, aux gens. Et donc, du coup, c'est vraiment tout à fait à part. Et sans leurs supporters, en fait, les Lensois, il n'y a pas le 12e homme. Et eux, ils font même limite office de 12, 13 et 14e homme. Tellement, c'est quelque chose d'à part, quoi, les Lensois. Et là, il y avait la place. Mais bon, après, on prend un pénalty, c'est le jeu. Voilà, L'USO, dernier du classement, qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui au club? Alors, qu'est-ce qui, pour vous, personnellement, hein, après, ça n'engage que vous, que toi, Hugo, ou mon ami, qu'est-ce qui manque concrètement aujourd'hui au club? Tiens, on va commencer avec Hugo. Après, je parle avec le vice-président, Hugo. Bah, déjà, le problème, c'est que. En plus, toi, t'es au sein du club. Alors, fais gaffe, hein. Le problème, c'est qu'il y a eu directement, dès le début de l'année, des blessures, etc. Donc, ça fait que le groupe n'est pas au complet. Par exemple, on a. Ça y fait, ça. Bah, oui, ça y fait, puisque, par exemple, Nicolas Saint-Ruf, le défenseur, normalement, qui est défenseur titulaire, est blessé depuis le début de saison. Ah mince, il a pas de bol, lui. Donc, du coup, ça fait que, déjà, la défense peut potentiellement être. Est affaibli. Le groupe est assez jeune aussi, donc il se développe. Mais bon, on fait pas un match avec un joueur non plus. Ouais, je demande. Tout à fait. Mais le groupe est jeune, donc faut qu'il se développe encore. Des premières saisons en tant que main pour se maintenir, c'est compliqué. Et devant, on a beaucoup manqué d'efficacité tout au long de la saison. Ouais. Et sur quelques matchs aussi, au niveau de l'arbitrage, c'était pas facile. Ouais. Mais il y a pas que ça qui fait. Malgré tout ça, faut quand même gagner les matchs. Ouais, il faut. Le vice-président, on pense quoi? Alors, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour toi? Qu'est-ce qui manque? Déjà, il manque aussi le retour des blessés parce que nos 3-4 attaquants, vraiment les attaquants, ils sont blessés. Du coup, forcément, pour marquer, ça devient vite compliqué. Bah, comme Valence, déjà, on est parti sans attaquant, déjà. Hier, on est parti avec un milieu, il est ni offensif ni défensif, il fait vraiment la balance, Thomas Efession. Il s'est retrouvé avant-centre, mais c'est pas à sa place. Donc, du coup, ça peine devant, et du coup, pour marquer, ça devient compliqué. Puis, à côté de ce que Hugo disait, il y a eu un recrutement avec beaucoup de jeunes qui arrivaient de l'échelon en dessous. Le temps qu'ils s'aguerrissent, en fait, ça se fait pas par magie. Donc, du coup, le club, ils ont recruté des mecs aguerris cet hiver. Et bon, après, le contexte fait que quand t'es dernier, t'arrives pas à remonter. Du coup, ça doit, dans le cerveau, ça doit pas fonctionner comme il faut. Non. C'est vrai, ça fonctionne pas normalement non plus. C'est vrai que ça va être dur, il reste 10 matchs. Pour vous, on se maintient ou pas, franchement, aujourd'hui, ça va être dur, très dur. Ouais, ça va être dur dans le sens où normalement, quand on entend à la télé, et même ils en parlaient l'autre jour, le maintien il se joue en général entre 38 et 42 points. Même si à l'heure d'aujourd'hui, il fallait qu'on ait 38 points, il faut qu'on en prenne 19 sur 10 matchs, ça fait 1,9 points par match, ce qui fait qu'il faut en gagner, faut gagner minimum 7 matchs. Quoi, 7 matchs sur 10, ouais. C'est 7 énorme. 7 matchs sur 10, ça fait beaucoup. Ah, ça, on sait jamais, renversement de situation. C'est ça. Et puis derrière, en plus, il faut compter aussi que ceux qu'on poursuit, les 19e et 18e, qui fassent des faux pas, qui trébuchent à chaque fois. On compte sur vous, les gars, pour les encourager. Hein. Alors, on va parler de la sauce rapide. Yellow Boy et USO, pour vous rejoindre, on peut vous rejoindre, comment oui, ça se tout passe à fait. De quel âge à quel âge? Parce que il y a tout âge, bien évidemment. Venez avec des parents si jamais on est gamin, c'est ça, je veux dire. Voilà, c'est ça. Ouais. Si on est si t'as je veux dire une connerie demain, t'as ton fils, il a 10 ans, il veut nous rejoindre. Bon, faut qu'il vienne avec ses parents, tuteur légal, faut qu'il vienne avec ses parents, pour une histoire de principe, d'assurance, tout ça. De principe, après, nous on a beaucoup d'enfants, je sais plus le nombre exact, on en a au moins deux qui ont 10 ans et comment dire, et du coup, des fois, c'est plus l'enfant qui a envie d'être avec nous, le parent, il est un peu plus en retrait, puis des fois, il reste un peu avec nous à la mi-temps, on les encadre bien, mais de tout âge, on a ça va, le plus jeune, je crois que c'est 8 ans, un truc comme ça. Ah ouais, quand même, ouais. Ça va jusqu'à plus de 60 ans, donc après, c'est pas l'âge qui compte, en fait, c'est l'amour que t'as pour le club, l'envie d'encourager. Ouais, c'est ça, l'amour. Mais après, pour nous rejoindre, il y a plein de méthodes sur tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Twitter, Instagram, on est joignable par mail, et puis ou alors à notre table les soirs de match en bas de la tribune Radoul. Vous avez une table, il faut s'inscrire. Exactement, puis voilà, on vend tous nos produits. Voilà, c'est ça. Alors, on sait que ça va être dur. Comment vous sentez l'ambiance du stade en général? Vous êtes là pour mettre le fire, comme on dit, le feu, entre guillemets, essayer d'emmener tous les spectateurs qui viennent. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une bonne ambiance? Ou alors, est-ce que des fois, c'est par rapport au match? Alors, il y a eu un gros match, un gros match où il y avait le PSG, non? C'était pas ça? Le PSG, c'était en décembre 2018. Ouais, mais bon, j'y en parle parce que là, il y a toujours du monde. Est-ce qu'après, on lâche pas et on oublie? Non, est-ce que est-ce que c'est dommage, ça? C'est est-ce dommage, qu'on ne pourrait pas toujours avoir du monde tout le temps en... C'est ça, on aimerait bien que le stade... Un chaudron du SO, quoi. C'est ça, on aimerait bien que le stade soit plein tout le temps, mais en vérité, sans faire de langue de bois, ce qui se passe chez nous, c'est qu'il faudrait des grosses affiches tout le temps, des gros clubs, Marseille, Paris, Saint-Etienne. Ouais. Il faudrait vraiment du gros club à chaque fois pour que le stade soit rempli. Ah, c'est dommage. On a vu, moi j'ai eu l'occasion de voir des matchs où on était 1500. Combien le stade, il tient? Il tient précisément, je crois que c'est 7500. Ah ouais, quand même, 1600, quelque chose, un truc comme ça. Ah, ils ont rajouté des tribunes, je crois, sur les côtés à l'époque. Ouais, à l'époque, ça remonte. Ouais, je suis vieux, moi, attends. Moi, je te parle de l'Arago. Non, c'est vrai. Ouais, oui. Je salue les joueurs de l'Arago qui nous écoutent certainement. Il y en a des anciens encore. Hugo, alors, justement, tu la sens comment, cette ambiance, toi, avec le public en général? Nous, de notre côté, vous arrivez à les faire chanter, crier? Non, De notre côté, de notre tribune, c'est un petit peu plus compliqué. Puisque on n'est pas dans. Vous êtes à la tribune Wagner? Non, de l'autre côté, justement. En face, je salue d'ailleurs Marc Wagner, qui est un très bon ami à moi. Je salue Alex, son papa, son fils, pardon, et son papa, que je salue vraiment, que je rends hommage, parce que j'ai passé beaucoup de journées avec Monsieur Wagner, à boire des cafés avec lui. Je le ramenais souvent chez lui, et j'étais attristé quand il est parti. Et je salue sa mémoire aujourd'hui. Voilà, c'est le petit clin d'œil que je voulais avoir. Alors, on parle des supporters en général. Le stade est comment, Hugo? Alors, les autres supporters, on va dire. Bah, les supporters comme nous, bah, on essaye de mettre l'ambiance, mais c'est vrai que ça, notre tribune, même de l'autre côté, ça, comment dire, ça participe pas forcément. Après, Orléans, c'est pas forcément une ville qui, même le qui club, bouge. Qui, ouais, non, voilà, non, mais dis-le, hein. Faut balancer. Non, mais à un moment, faut dire les choses. Hey, tu vas pas dire, j'arrive au stade, c'est l'effervescence, c'est le chaudron. Non, tout le monde non, crie. Alors, non, mais faut être bien, honnête. Mais faut être honnête. C'est ça le frère, je pense que bien. Thomas Renaud, il me dira un peu la même chose le 24, hein. Je pense, hein, je sais pas, hein, je veux pas m'avancer, hein. Mais ouais, moi je pense que c'est ce qui manque à l'USO. Quand je vois des commentaires, quand je vois certaines choses sur les réseaux sociaux, là je me base par rapport à ça. Attention, je vais aller voir 2-3 matchs en live avec des amis. Moi j'ai pas trouvé une ambiance de dingue. Après, au contraire, heureusement que bah vous êtes là. Et puis à l'époque il y avait les droguistes aussi. Je pense que heureusement que des gens comme vous sont là pour un peu mettre la mèche au feu, hein, pour allumer le stade. Parce que sinon, des fois il y a la messe, hein, non? Bah oui, c'est un pressentiment, hein. Oui, et puis bah après c'est sûr que ça motive aussi les joueurs après d'avoir du public derrière eux. Ouais. Parce que quand on regarde des fois des situations compliquées sur des gros matchs, hein, puisque à l'USO les matchs sont plus compliqués, mais sur des gros matchs par exemple de Ligue des Champions, quand il y a le public derrière, la donne a pu changer directement. Alors nous des fois on a l'impression que ça change, mais malheureusement des fois les buts viennent pas toujours. Ouais. Mais il faudrait absolument que plein de monde nous rejoigne, soit de notre côté ou même indépendamment, qu'ils essayent de... On vous regarde pas bizarre des fois un peu, on dit mais non, bah après on est dans un de... Non. Ça vous énerve pas des gens qui font la gueule des fois? Non, il faut être honnête. Après c'est voilà, il faut se faire une raison. Moi j'ai un peu plus de bouteilles que Hugo. Ouais. Quand je suis arrivé dans le groupe existait déjà, il était très jeune, je suis arrivé. Ouais, c'était un peu compliqué. Moi j'ai eu un peu de mal à appréhender le regard des gens et tout. Et puis après avec le temps, quand on se fait de l'expérience, voilà, on progresse en termes d'ambiance et tout ça. Ouais, c'est ce qu'il a lors d'aujourd'hui. Il faut regarder les choses en face. Ce qui manque, c'est plus que ce soit plus populaire en fait le stade, que les gens aient plus envie de venir. Ouais, manque du populaire. Foot, ouais. Le foot, c'est une fête et pas qu'ils viennent partout, pour dire hein. Je regarde un match de foot. Ouais. Voilà, on n'est pas dans la télé là. Hein. C'est ça exactement. Quoi qu'il y en a dans la télé, ils sont énervés des fois. Hein. C'est des trucs de fous. Hein. Ouais. En tout cas, bah vous cherchez encore des personnes dans la sauce dans la sauce même. Toujours. Je parle. Ouais, toujours. Ouais. On c'est bénévole en fait. Donc on cherche toujours. Ouais. Exactement, toujours. Et plus on est en tribune, ne serait-ce qu'à domicile, plus ça ouvre aussi les portes à faire des déplacements plus nombreux. Donc ça ouvre plein de portes en fait. Plus on est nombreux sur par exemple des déplacements, on stagne nous entre la première année, c'était compliqué. J'ai fait des déplacements, on était 4, 5. Ouais. Là, on arrive des fois à faire du 10, 12. Ah ouais, carrément. Du coup, en fait, on évolue, ça passe de covoiturage à ça après, c'est à voilà, on évolue dans les ouais c'est à nos frères. Ça vos frères ça. À nos frères, ouais. Mais du coup, on évolue en fait dans les modes de transport et du coup, en fait, les modes de transport évoluant, bah tout évolue plus vite en fait, ouais. Du coup, parce que voilà, l'effet de nombre permet plein de choses en fait. Il y a plein de choses derrière quoi. Alors moi je pense à un truc, hein, c'est peut-être bête que je vais te dire. Il y a des investisseurs à l'USO, hein, des sociétés qui ont mis de l'argent, etc. Je me dis pourquoi pas que ces sociétés mettraient un peu d'argent dans les Yellow Boys USO, parce que vous êtes là quand vous allez à l'extérieur. Je sais pas, ne serait-ce pour vous louer un minibus, pour dire bah tiens on va louer un minibus pour les gars, on va leur acheter ça ici. Je sais pas, c'est peut-être con ce que je dis. Hein. Non, c'est pas con. Ça peut être sympa, non. Mais faut être honnête, c'est pas des gros budgets non plus ça. Moi je connais un peu le business, un minibus 29 places par exemple, un exemple, ça coûte pas 500 balles le week-end. Hein. Ah non, c'est un truc qui 50 balles ou 60 balles. Hein, là, je vois... des pancartes, des écharpes, c'est pas non plus la fin du monde. Des fois, des petits budgets comme ça, ça pourrait filer un petit coup de main. C'est ça, là, je vois. Là, on faut être honnête. On allait commencer à organiser voilà, certains déplacements, mais bon, là, les huis clos, ça change la donne sur certaines choses. Ouais. Mais là, je vois, en espérant que on a commencé à organiser notre déplacement à Lorient. Voilà, c'est un truc qui a 9 personnes, tout le location, trajet, carburant et autoroute, c'est un truc qui fait pas les 500 euros. Ouais, c'est sûr. Pas, non, c'est pas des gros budgets, faut être honnête. Non. Et puis après, du coup, tu redivises au nombre de personnes que tu as. Ouais, voilà. Ça fait vraiment pas grand chose. C'est vraiment pas grand chose. Ça fait une sortie, voilà, c'est. Une belle sortie. Ouais, voilà, une belle sortie. Bon, après, le cadre fait que là, c'est un peu inquiétant. Donc, voilà, c'est. Alors, jouer à huis clos, Hugo, on va parler avec toi. Huis clos, ça va pas forcément aider l'USO non plus, ni les autres clubs en face. intéressant. Oui, parce que je vais dans cette vide. Ça va aider personne. La motivation, mais... elle est où là aujourd'hui, c'est ça? Là, c'est dans la tête, c'est psychologique, là, je crois. Là. Bah, surtout, oui. Et puis, bah, de toute façon, il n'y a pas très longtemps, ils ont eu l'aide d'un préparateur mental. Bah, rien. Donc, peut-être qu'ils ont prévu avec l'arrivée du coronavirus, peut-être les huis clos, je sais pas. Mais dans tous les cas, tout se joue au mental, même habituellement. On le voit, des fois, on perd un match sur rien du tout. Donc, on se dit peut-être que c'est le mental, peut-être si, c'est pas forcément. Si manquait des supporters, peut-être, ce jour-là. À Lens, par exemple, hier, si vous étiez là pour l'envoyer. Ah, peut-être, je sais, ça aurait pu changer la donne, en effet. Bon, on va finir avec vous, les gars. Un dernier mot, on va commencer avec le vice-président. Un dernier mot pour conclure, monsieur le vice-président, alors. Si je veux faire passer un message, il y a du monde qui se fout l'après-midi. Ouais, voilà, si je veux faire passer un message, déjà, commencer à toutes les personnes qui regardent les matchs derrière leur télé, quand le cadre du coronavirus sera terminé. Éteignez un peu le poste le vendredi et venez au stade, que ce soit affilié à un groupe ou en indépendant, mais vraiment ce qu'il faut, c'est que le foot, ça reste une fête. Ah bien. Il faut qu'il y ait de l'ambiance dans le stade et non pas un stade mort où les gens viennent pour regarder un match de foot. D'accord. Avec monsieur, madame et les enfants. Tu peux venir en famille. Ouais, vous pouvez venir, bah le ouais. Le foot, voilà, sortez. c'est une fête et l'équipe doit être encouragée et non pas huée quand en fait du coup. Alors moi, j'ai l'impression qu'on les hue quand ça va mal et quand ça va bien, mais on est l'USO super machin, c'est ça, et quand ça va mal, c'est un peu ça la politique, ça. Ouais. Hugo, alors toi, dernier mot à ajouter avant de conclure cette belle interview avec le vice-président. Bah déjà merci de nous avoir invités. Ouais, bah tu viens quand tu veux, hein, nous on est une radio ouverte, 34 ans qu'on est là, moi ça fait pas 34 ans que je suis là. J'ai bossé 12 ans sur Vibrant, hein, voilà, je balance les noms. Et là je suis là, ça me fait 4 ans, la 4ème année, je suis heureux d'être là, voilà. Dernier mot Hugo. On va dire aller l'USO et puis aussi on n'intervient pas forcément que sur les garçons, on essaye aussi. Ah les filles aussi, ouais, je parle des filles. Le football féminin. Ouais, je parle des garçons parce qu'on a une assez belle équipe également. Avec des joueuses de qualité, et puis on espère que déjà un maintien de l'USO et puis que les filles d'ici un ou deux ans arrivent à monter en division 1. Et puis il faut dire une chose aussi, si l'USO monte, ça donne aussi en jeunes envie d'aller faire du foot à l'USO. Exactement. Que ce soit filles ou mecs. Parce qu'il y a de la qualité derrière. Voilà, nous on vient régulièrement aux entraînements. Ouais. On est toujours en avance, donc du coup on voit un peu toutes les sections s'entraîner. Et derrière ça pousse, et chez les jeunes il y a beaucoup de qualité. Ça mériterait d'avoir vraiment de la croissance et vraiment d'avoir une visibilité sur notre ville. Ça fait pas de mal, quoi. Dernier petit truc avec les joueurs, ça va, ça se passe bien, vous avez des relations. Là je vais recevoir Thomas Renaud, je crois que c'est le 24 mars, il vient à la radio, il m'a accepté l'interview, il est déjà venu il y a 3 ans je crois, un matin avec l'entraîneur de l'époque. Et ça se passe bien avec Thomas, je sais que dernièrement et encore, moi quand je le vois bien souvent, quand on va aux entraînements, on discute un petit peu. Ouais, super sympa. Hein. Voilà. Oui, il est très très gentil d'ailleurs, si on pouvait venir 24. Je vous lance l'invitation les gars. Je savais pas comment vous voulez venir, moi il faut me le dire, moi c'est open antenne ici. Je dirais quand même je préviens quand même Thomas, parce que c'est normal. Oui, mais il n'y a aucun souci avec Thomas Renaud, mais venez le 24, notez la date sur votre agenda, c'est à 17h le 24, hein, voilà. D'accord, pas de souci. Donc tout se passe bien avec les joueurs en général. Non, il n'y a pas de problème. Je sais qu'une fois, quand ça a commencé à peiner les résultats en fin d'année, on a fait une petite intervention. On a lu un message qu'on avait rédigé dans le cadre du bureau de notre groupe. Ouais. C'était pour les remuer un petit peu. Ça nous a permis de discuter et tout ça, d'échanger nos points de vue, de leur faire voir que nous on est là, le compteur kilométrique et aussi nos porte-monnaie. Ils sont influencés aussi par ça pour eux, pour les suivre, parce que c'est la passion qui nous anime. Donc ils le savent. Après le foot, c'est il y a plein de paramètres, ça se joue pas sur un papier. Donc, c'est vrai, t'as raison. Eh ben merci monsieur le vice-président d'être venu aujourd'hui. Les Yellow Boys, merci Hugo. Merci à vous. D'être venu aujourd'hui. T'es donc au sein de l'USO, toi. T'es quoi? Tout à fait. Adjoint au niveau de la catégorie U11. Ah ouais, carrément. Ouais, c'est bien en tout cas. Bravo les gars. En tout cas, go USO. J'ai envie de dire ça aujourd'hui. C'est un que je reprends. Et Yellow Boy USO, on peut vous rejoindre sur votre page Facebook. N'hésitez pas à les rejoindre. Et puis surtout, moi j'ai un mot à faire passer. N'hésitez pas, comme tu le disais, lâchez un peu vos télés le vendredi et venez au stade, nombreux, nombreuses. Encouragez l'USO parce que il reste 10 matchs. Ils ont besoin de vous. Alors malheureusement. Ah oui, mais en ce moment c'est à huis clos, donc il faudra attendre que ça s'arrête, le corona. Il faudra que Macron il trouve vite une solution là, les chercheurs. J'espère qu'ils vont trouver une picouse là pour guérir tout ça. Parce que là on est mal, sinon je vais appeler Macron moi. Ça va vite se terminer l'histoire. Un peu d'humour, ça fait du bien avec le temps qui court. Merci les gars, ça fait plaisir. Yellow Boys en direct sur Radio Arc-en-Ciel, on est heureux de vous retrouver avec In the Morning. After Job avec Frankie, aujourd'hui de 17h à 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and we talk slow. You come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance now. Take my hand, stop, put Venom on the jukebox, and then we start a dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. So go all you can eat, fill up the bag and I fill up a plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family is doing, okay. And even getting a taxi and kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, la reprise de Ed Sheeran, la version Kizomba. Ed Sheeran qu'on adore sur Radio Arc-en-Ciel, 18h04. Bruno qui est avec nous au téléphone, on le prend tout de suite. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est... D'ailleurs, j'ai que des invités aujourd'hui. Normalement, Bruno est avec nous au téléphone. Bonjour Bruno. Bonjour, tout va bien Francky. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Ah bah, ça me fait plaisir de t'avoir au téléphone, mon Bruno. Ah bah, c'est clair, ça fait un petit moment, mon Francky. Ouais, ça fait un bail. Excuse-moi, j'étais en interview avec les Yellow Boy USO. C'est pour ça que je t'ai dit de me rappeler un peu plus tard. Alors, Bruno, tu voulais nous parler de quoi, Bruno? Eh ben, je vais te parler de notre nouvelle association, l'association Festival Intercommunal, donc elle est close. Ouais. Nous avons rouvert une autre association qui s'appelle Un Espoir pour un Sourire d'Enfant. Cette association a été créée sur le Loiret, mais on est sur plusieurs départements aujourd'hui. On est sur le Loiret toujours, on est sur l'Allier, l'Auvergne, la région Rhône-Alpes, l'Ille-et-Vilaine, les Ardennes, l'Alsace et la Lorraine. Alors le but de cette association, c'est quoi? Explique-moi, Bruno. Eh ben, l'association a pour but d'améliorer le quotidien des enfants malades handicapés à domicile, mais également à l'hôpital. Ouais, c'est bien ça. On est présent sur la réalisation de rêves d'enfants. Ouais. Et on accompagne les familles sur les dossiers MDPH. Et ah, on a un quatrième projet. Ouais. Ce quatrième projet, c'est de pouvoir être formé pour pouvoir permettre aux parents qui ont des enfants malades handicapés d'avoir du temps pour eux. Mmh. Parce qu'avoir un enfant malade handicapé, c'est du 24h sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de répit, pas de vacances. Ouais, c'est vrai. Et on a besoin d'être formé pour pouvoir permettre aux parents d'avoir du temps pour eux. Pourquoi pas venir te rendre visite à la radio chez toi sur Radio Arc-en-Ciel, pourquoi pas. Bah, quand vous voulez, hein, moi je suis ouvert, hein, je suis là. Hein, si vous êtes dans les parages, venez me voir. Eh ben, avec grand plaisir. Eh ben, justement, je vous invite avec plaisir en direct, parce qu'on pourra en parler plus longuement pendant au moins 30 minutes en live, ça serait bien. Là, on voulait faire un petit passage au téléphone pour expliquer un petit peu, hein. Oui. Mais vous êtes mes invités quand vous voulez, les amis, hein. Eh ben, avec grand plaisir. Du coup, on est en recherche de bénévoles beaucoup sur tout le département du Loiret. Ah ouais. Et du coup, je peux laisser un téléphone ou pas, mon frère? Ouais, ouais, vas-y, balance tout, hein. Alors, il faut contacter la directrice du Loiret, enfin, la responsable du Loiret, pardon, excusez-moi. Mmh. Donc, c'est Madame Pigeot Jennifer. On peut la contacter au 06 87 01 50 02. Elle vous donnera toutes les informations pour entrer dans l'association. Il y a une petite adhésion à prendre. Ouais, elle pas cher. Elle vous dira tout ça en détail. On a une page Facebook également. Ouais, c'est quoi la page? Simplement un espoir pour un sourire d'enfant, un petit j'aime, et vous aurez toute notre actualité de ce qu'on fait au quotidien dessus. Voilà, donc si vous êtes sur Facebook, parce que tout le monde est sur Facebook en ce moment, vous likez un espoir pour... un sourire d'enfant. Un sourire d'enfant. Un espoir pour un sourire d'enfant. Allez voir la page. Allez, un espoir pour un sourire d'enfant. Allez liker, envoyer un petit message et donner un peu de votre temps libre. Hein. Bon, en ce moment, ça va être un peu plus compliqué avec le coronavirus, malheureusement. C'est ça. Mais dès qu'on est sorti de là-dedans, on vient tous. Hein, pas de problème, mon Bruno. Bah, merci beaucoup. En tous les cas, Francky, merci beaucoup de nous avoir pris ce soir à l'antenne. Ouais, on en passe tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, bien évidemment. Ouais. Et les auditrices aussi. Ah, surtout les auditrices, hein, moi. Ouais. C'est ça, ouais, ouais, bah oui, je me doute. Les auditeurs, les auditrices de Radio Arc-en-Ciel, et une excellente soirée. Et puis, mon Francky, on reste en contact, effectivement, voilà. Pour parler peut-être un peu plus longtemps de l'association. Et merci de nous avoir permis ce soir de parler de l'association. Merci. Avec plaisir. En tout cas, tu me recontactes, hein, parce que moi, sinon, j'ai tellement de trucs que je vais peut-être zapper, excuse-moi. Nous aussi, on est pas mal sollicités aussi, mais c'est le nécessaire pour te recontacter. Et merci beaucoup à toi. Merci, Bruno. Bonne soirée. Salut, à Bruno. À bientôt, mon Francky. Bonne soirée. Au revoir, merci. Bye bye. Ah, c'est bien, ça, c'est bien. Contactez-les, n'hésitez pas. Du son caliente qui arrive sur l'arc-en-ciel avec Enrique Iglesias, Latina. Solo en tu boca, yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él. Porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. ¿Quién es el que te quita el frío? Que vas conmigo, rumbiamos con él, lloras casi un río. Tal vez te da dinero y tiene poderío, pero no te llena, tu corazón sigue vacío. Pero conmigo rompe la carretera, bandoleras en tu vida y algo que no sirve. ¡Sácalo pa' afuera! A ti nadie te frena, la super guerrera. Yo sé que tú eres una fiera, dale. ¡Sácalo pa' afuera! Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Radio Arc-en-Ciel, si t'es là, c'est pas tout de suite. Avec du son caliente, Kaylele. Nada más que se installé tes pots pour vider et préparé les valises pour se tirer. Et tout l'hiver, tu t'es dosé aux UV. C'est plus la peine, laisse le soleil te dorer. J'aurais dû être chanteur moi. Bah justement, par le chanteur, il est dans les studios, on l'accueille tout de suite. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Je suis perdu dans les micros en ce moment. Il est notre invité, il s'appelle Dobsy. Salut Francky. Je me trompe ou pas? Est-ce que j'ai bien prononcé? C'est exactement ça, ouais. Dobsy, à la base, tu t'appelles Clément. On va balancer. Tout à fait, Clément Dubreuil, ouais. Voilà, alors pourquoi Dobsy? Ça vient de quoi? Alors c'est simple, le dub, ça vient de mon nom, Dubreuil. J'ai pris D-U-B, du coup, en anglais, ça fait dub. Et le si, le C majuscule de Clément, en fait, qui fait si en anglais. Ah ouais, ce qui fait Dobsy, ouais. En fait. Sympa, ouais, faut pas mettre un T à la place du D, hein. Exactement. Sinon, on déballe. En tout cas, je suis content de te recevoir. Eh ben, écoute, merci à toi de me recevoir, Francky. Auteur, compositeur, chanteur, c'est quoi ton job? Eh ben écoute, les trois en même temps. Ah ouais, auteur, compositeur, ouais. Chanteur, interprète, ouais. Voilà, tout ce qui touche de près ou de loin à la musique, que ce soit en compo ou en interprétation, c'est mon kiff, quoi. Qu'est-ce qui t'a donné aujourd'hui l'envie d'avoir envie, comme disait Jolie? Je le dis souvent, ça, c'est marrant. Eh ben écoute, déjà dans un premier temps, ouais. une famille essentiellement de musiciens, notamment ouais. Mon ah ouais. Père, mon oncle et tout ça. Tout le monde joue de la musique chez toi. Exactement. Moi, je suis du pipeau, moi. Eh ben, c'est pas mal. Je suis droit du pipeau, non, je rigole. De la flûte à l'école, j'aimais bien faire la flûte. Ah, ouais, mais ouais. Il fallait boucher le trou dessous là. Ouais, c'est ça. La flûte, c'était un grand moment de solitude ouais. Pour moi durant mon année scolaire. Ah ouais. Et c'est pas du tout ça hein, qui m'a donné envie de percer dans la musique. Ouais. Donc famille de musicos, hein. C'est ça. Toi c'est la guitare. Hein. Guitare, piano également. Ah, j'ai commencé le piano à l'âge de 5 ans. Ouais. Et la guitare à l'âge de 8 ans. Ah bah yo, quelle carrière. Voilà. Bien. Et ça continue ? Et ça continue, ouais, ouais, tout à fait. C'est quoi le but aujourd'hui dans la vie alors pour toi de... Bah, alors, moi, le... alors en vivre, on sait tous que c'est compliqué, hein, faut être honnête. Ah oui, tout à fait. La musique, de toute façon, à moins de s'appeler aujourd'hui par des Gibbs, des mecs comme ça, mais bon, après c'est des gros labels. Mais nous, on aime bien sur l'arc-en-ciel faire découvrir des jeunes talents, des nouveaux talents, des gens de la région, hein, parce que moi, les Gibbs, on s'en fout un peu, nous. bah ouais, on est une petite radio, nous. Faut du local. Voilà, c'est du local, faut parler des gens locaux, parce qu'un jour ou l'autre, locaux, pardon, et un jour ou l'autre, eh bien, ces gens, des fois, ils percent, et puis, et voilà, on se dit, ils étaient chez nous la première c'est fois. C'est ça. Ouais. Alors, on va t'écouter dans quelques minutes. Ton premier titre, c'était quoi déjà ? Alors, le premier titre, enfin, celui en tout cas. Qu'est-ce que t'as écrit en premier, là ? Ta première chanson que t'as composée ? Alors, le tout premier, non, c'était il y a deux ans. Ouais. C'était il y a deux ans, ça s'appelle Petit Bonhomme. Mmh. C'était une chanson un petit peu, entre guillemets, écologique, c'est-à-dire que c'était l'histoire d'un petit gamin qui en avait marre de voir la Terre telle qu'elle devient et qu'on fasse rien pour s'en occuper, pour essayer de la sauver, quoi. Donc la première chanson, c'était ça. D'accord. Et ensuite, il y en a plusieurs qui sont arrivés. Il y a une chanson qui s'appelle Colonie, qui raconte un petit peu les histoires quand j'étais avec ma sœur en colonie, il y a de ça 15 ans, 20 ans, enfin non, un petit peu plus quand même, parce que je vais en avoir 40 maintenant. Ah ouais, quand même, ouais. Donc, la dernière, qui a eu le plus de vues pour l'instant, c'est effectivement L'être un fils. Ah ouais, sympa. Voilà. Alors, L'être un fils, c'est qui? C'est ton fils? Et ben, c'est mon fils, tout à fait, qui va avoir 18 ans, dans une semaine. Ah ouais, bon anniversaire. Qui ah passe ouais. dans le monde des adultes, ça y est. Ouais. Ça y est, les majeurs. Ça met une grosse claque. De la baraque, enfin. Non, je rigole. Donc, voilà. Elle a été écrite pour lui ou c'est lui qui l'a écrite pour toi? Non, elle a été écrite pour lui. D'accord. Donc, il faut savoir que voilà, je compose musique, musique et paroles, et voilà, tout ce que je fais vient de moi. Et là, c'était vraiment pour lui, ouais, c'était vraiment un message pour mon grand. Et ben, restez connectés parce que dans 3-4 minutes en direct, tu vas démarrer avec L'être un fils, c'est ça? Avec plaisir, ouais, tout à fait. Voilà, on se prépare, on met les guitares, et puis on vous retrouve dans moins de 3 minutes après Fabiana, Juan Mai et ma reine sur l'arc-en-ciel. Je te ferai mienne à la nuit tombée pour que tu reviennes comme je l'ai rêvé. Tu seras ma reine, je vais te combler. Je te ferai mienne à la nuit tombée pour que tu reviennes comme je l'ai rêvé. Tu seras ma reine, je vais te combler. Hey, laisse-moi une chance de venir à tes côtés. Je ne serai pas cet homme qui ne fera que t'abandonner. Laisse-moi le temps de te montrer. Si tu n'es pas contente, tant tu pourras t'en aller. J'ai essayé de t'oublier. Ces choses que je ressens quand tu es à mes côtés. Chaque jour c'est la même et je ne sais plus quoi penser. Ça fait longtemps que j'attendais ça. Trouver une femme comme toi. Que modela como una reina. Tan original. Ça fait longtemps que j'attendais ça. Enfin trouver un peu d'espoir. Je te ferai mienne à la nuit tombée pour que tu reviennes comme je l'ai rêvé. Tu seras ma reine. Je vais te combler. Je te ferai mienne à la nuit tombée pour que tu reviennes comme je l'ai rêvé. Que je ressens quand tu es à mes côtés. Chaque jour c'est la même et je ne sais plus quoi penser. Ça fait longtemps que j'attendais ça. Trouver une femme comme toi. Que modela como una reina. Tan original, baby. Ça fait longtemps que j'attendais ça. Enfin trouver un peu d'espoir. Je te ferai mienne à la nuit tombée pour que tu reviennes. Je te ferai reine. Allez, j'aurais pas pu être chanteur moi, hein, Clément, t'as vu? Ah bah écoute, ah non, mais moi je sais pas chanter. Il y a un début à tout, il y a un début à tout. Moi je suis un nul à chier en chanson, je te le dis tout de suite, hein, l'invité du jour il est là. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Ah la star, hein, j'ai fait des jingles que pour toi aujourd'hui. Hein. Ah c'est bon ça. Comment tu vas bien? Eh ben écoute, ça va bien, toi comment ça va bien? Bah ça va super bien, t'es en forme? La patate. La patate, alors on va chanter, pas moi, mais toi tu vas chanter surtout, avec ton single qui s'appelle Lettre à un fils, donc c'est une chanson écrite pour ton fils. Exactement. Donc je vous demande en exclusivité d'écouter ici sur Radio Arc-en-Ciel à 18h21, Clément Dubourg. Tu me dis quand tu es prêt. Eh ben c'est bon pour moi, tu peux envoyer patate. Eh bien on envoie le son, Clément Dubreuil en direct. Voici Lettre à un fils. Dubsy en live, 10 mars 2020, Radio Arc-en-Ciel. Lettre à un fils. Je marche coin d'une rue sans but et sans rien prévoir, sans même penser à quoi que ce soit. Je laisse place au hasard, la nuit est belle, les étoiles brillent, la lune est bizarre, le temps s'arrête, les ombres filent, pourtant oui, n'est pas tard. Je regarde autour de moi, me dis que tout est si beau, tu ne peux pas avancer si on te tourne le dos, qu'une main tendue suffit parfois à te redonner le sourire. Pense-y avant d'inclure la garde à vue dans ton avenir. Mon fils, je pense à toi, j'ai fait aussi beaucoup d'erreurs, sache que ton père à jamais sera rempli de bonheur. Aujourd'hui, tu deviens un homme, ta vie est en train de changer, ta mère et moi sont toujours là, jamais pour t'épauler. Être un fils, toi et moi, on est complices. C'est comme ça. Ne laisse jamais personne te manquer de respect, non, ne laisse jamais personne te marcher sur les pieds. Vis ta vie à fond, va au bout de tes rêves, laisse tomber tous ces cons qui n'ont aucune trêve. Garde la tête haute, fonce droit devant toi, non, t'occupe pas des autres, ce qui compte c'est toi. Ne dois rien à personne, ta décision sera la bonne. Évite de reculer, fais tout pour avancer, je te vois en émoi. Je pense à ces moments où mes bras ou ma voix te disaient calmement, t'inquiète pas, je serai là. Oui c'est important, car tu seras pour moi toujours mon enfant. Si tu tombes, relève-toi, ne leur donne pas raison. Si le monde s'ouvre à toi, traverse à ta façon les chemins, les sentiers qui te guideront pour demain puis après. Ça c'est ta chanson. Ouais ouais. Le train fils, toi et moi, on est complices. C'est comme ça. Je t'écris ces quelques lignes pour te faire comprendre que tu dois rester digne, et ça tu vas l'apprendre. Chaque jour que tu vis, tu pourras entreprendre de monter, de gagner, et tu pourras te rendre au sommet de tes rêves. Contempler ta réussite, t'auras franchi toutes les embûches. J'aurai été complice, la vie est devant toi, maintenant c'est à toi de jouer. Je ferai tout ce que je peux pour pouvoir t'aider. La psy, l'être un fils, toi et moi, on est complices. C'est comme ça. L'être un fils. Bah yon, bravo Clément, on peut l'applaudir, hein, applaudissements. Oh la vache. Et là tu m'as trouvé le... Hein, je vais pas être gros malentendre, mais franchement bravo, l'être un fils, ton fils il doit être fier aujourd'hui, il l'a écouté. Ouais. Eh ben écoute, il l'a écouté, mais bon, pour l'instant il a encore, on va dire, sa dignité. Et ouais, ah ouais, il veut pas admettre que t'as fait un truc. Il veut pas admettre, mais bon, il le sait, il le sait. Ouais, il le sait, ouais, c'est au fond de son cœur. En tous les cas, d'autres projets qui arrivent, Clément. Eh ben écoute, ouais, d'autres musiques, hein, d'autres musiques qui sont en cours et... Et j'aimerais bien parce que le bon, je suis vachement inspiré de tout ce qui est grand corps malade, tout ça. Et... Ouais. Diams, ça fait penser un peu à Diams. Et bah écoute, un petit air de Diams. Ouais, on va essayer de l'appeler chez son 06 en lui demander ce qu'elle en pense. La boulette. La boulette, c'est ça. Non, je trouve ça sympa. T'aimerais pas aujourd'hui en faire ton métier vraiment? Si, complètement. Ouais. T'en rêves. Ouais. Et pas facile, hein, malgré, pas facile parce que déjà bon, il faut pas se leurrer, hein, les gens qui percent, ouais, c'est déjà des fils d'eux ou des filles d'eux, bon, ouais, ou qui connaissent des gens qui ont déjà des gros labels. Faut être honnête, hein, donc voilà, après pour les petites personnes qui ont pourtant plein de talents, hein, moi je connais plein de personnes qui sont à côté dans la région et qui mériteraient que de percer, mais bon voilà quoi, c'est le système qui veut ça. En tout cas, pour retrouver ta page Facebook, c'est Dubsy, tout à fait. Plus loin, c'est Y. On va s'écouter un nouveau live dans moins de 3 minutes. Ça s'appelle Or Blanc. Or Blanc, voilà. Ça, c'est pour qui? C'est quoi? C'est un... Alors, ça, c'est simplement, non, ça, tu vois, c'est simplement qu'un soir, j'ai vu un documentaire à la télé avec des jeunes qui se défonçaient les narines. Ah, et je me suis dit, voilà, pourquoi pas en faire un texte. Il y a un texte dans le sens où il faut arrêter. Tout à fait. Ah oui, tout à fait. Ouais, pas continuer. Non, je vais pas faire l'apogée de cette merde. Alors, ce qui est rigolo, t'as raison de le dire. Ce qui est rigolo, c'est que toi, tu vois des trucs à la télé, t'en fais une chanson. Ouais, tout, voilà, c'est ça. C'est ça qui, ça devient comme ça, en fait, de décrire aujourd'hui, de dire, bah, tiens, je vois ça, ça m'intéresse. Bah, écoute, le plus dur, en fait, si tu veux, c'est d'avoir la première phrase. Après, une fois que j'ai la première phrase, enfin, qui va me percuter, généralement, la chanson suit, allez, dans la demi-heure, dans la demi-heure qui arrive. Ah, bravo. Voilà. Tu te mets au clavier. Dans 3 minutes, c'est Or Blanc en direct, si tu veux bien. Hein, ça marche. On se prépare, puis après, tu feras un petit live à la guitare. Exactement. Oh là là, avec les Gypsy Kings qui seront là bientôt. Clément qui arrive dans moins de 3 minutes. Ma cosa nostra, se le feu c'est toujours l'envie de toi. Je te suivrai de Madrid à Barcelone. Bien de l'Eli, viens avec moi qu'on s'en aille. Pieds nus dans le sable, danser toute la nuit près de moi, mon cœur te réclame. En chair et en âme, Dieu créa la femme. Dans ma destinée, enfin tu apparais. Tu es ma señorita. Je le dis à jamais. Tu es ma señorita. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Oh, oh, oh. Tu es ma señorita. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Oh, oh, oh. Tu es ma señorita. J'irai même jusqu'à te montrer mon pays, s'il le faut, jusqu'à l'aube. Raconte-moi tous les mystères de ta vie près de l'eau. Oh. Tu es ma señorita. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Oh, oh, oh. Tu es ma señorita. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Oh, oh, oh. Tu es ma señorita. Arc-en-ciel. L'invité du jour, c'est maintenant. Et jusqu'à 19h en direct, Radio Arc-en-ciel, l'after job. Après le boulot, vous nous rejoignez, vous sortez du bureau, et bien, il y a un invité d'honneur qui est là. C'est Clément Dubreuil. Moi, bonsoir tout le monde. J'ai envie de dire un invité d'honneur parce que ça me fait plaisir d'avoir des musicaux, ça change un peu des politiques. Hein. J'ai rien contre les politiques, hein, au contraire, loin de là, ils viennent tous à la radio, ça fait vraiment plaisir de les recevoir. Mais en tout cas, un bon musicien, on a écouté la Lettre à un fils en live, énorme. Alors là, on va se faire l'or blanc, instru, c'est ce que j'ai sous les yeux. Voilà, c'est ça. Et l'or blanc, donc, c'est par rapport à la drogue. Exactement. Voilà, donc, faut pas toucher à ça. Attention, les jeunes, hein, c'est interdit, hein. Interdit, strictement interdit. On va écouter cette deuxième partie avec toi si tu veux bien, Clément. Eh ben écoute, tu es open. Tu es chaud. C'est quand tu veux. L'or blanc. Et puis après, tu nous feras un petit live guitare. Ouais, hein, tout à fait. Voilà. Donc c'est du live. Hein. Suivez-nous sur Facebook. On y va, les amis. Voici Clément Dubreuil. Let's go, Clément. C'est parti. Un gros big up à tous ceux qui m'écoutent. Une lueur s'intensifie, des battements de cœur et plus un bruit. La peur de découvrir un monde dont le passage nous unit. Rétrospective sur ces années, intempestive relation. La dérive d'un aîné qui lui promet, qui l'encourage. Ligne blanche tout droit trace et peu de temps pour franchir le pont. L'espoir d'un avenir meilleur que de mensonges pour ce garçon. Il avait la vie devant lui, il voulait devenir médecin. Aider comme il pouvait, donner du temps à son prochain. Un soir, un pote arrive, lui propose un jeu nouveau. Quelques minutes de dérive, il devait trouver sa beau. Il lui disait, tout le monde le fait, ne t'inquiète pas, tu seras comme eux. Il te faut juste une table basse, mais aussi ta carte bleue. Sans réfléchir, il s'exécute, ne veut pas être mis à l'écart. En une seconde, il tire un trait sur son avenir, il est trop tard. Il enroule un billet, il se sent important. On dit que l'argent n'a pas d'odeur, pour lui, c'est de l'or blanc. Depuis ses idées se bousculent, discernement déconcertant. À chaque seconde c'est une enclume, pour sa petite taille un poids pesant. Une perte de contrôle total, un burn-out oui, qui le pousse à faire n'importe quoi, le mal s'empare de lui, puis de ses jours. Ignorance, pas de méfiance. Maintenant il pense que cette danse le pousse au fond, plus de concessions, plus de questions, plus de raisons. Même sa famille l'a rejeté, son dealer le fait couler. Il se regarde dans le miroir, voit les fissures de son écart, qu'il essaie de combler comme il peut, difficilement, les larmes aux yeux. Il se dit que s'il avait, oui réfléchi au lieu de plonger, sa vie serait meilleure et ses narines moins défoncées. Un peu de jugeote ne laisse jamais une autre personne te juger. Sous prétexte que t'es pas comme lui, reste comme tu es, qu'il vive sa vie. Tu sortiras toujours gagnant, sans devenir indépendant. Tu seras toujours plus riche que cette enflure et son or blanc. Bravo, applaudissements en direct. Merci Clément à toi, Franck. Dubreuil sur Radio Arc-en-Ciel, vraiment heureux de te retrouver. Elle est poignante celle-là. Hein. Ah, ouais. Écoute, oui, c'est. Ah, celle-là, prend au cœur. Hein. Voilà. En plus, ce qui est bien, c'est que moi, je m'imagine un peu les choses dans la tête, tu vois. Tout en à direct, fait. Ouais, et ça prend au cœur. Et puis, ça sert un peu de leçon aussi, on va dire. Hein, c'était, ouais, exactement. Personnes. Exactement. Ouais, ça peut peut-être aider, hein, non? On t'a déjà dit, moi ça m'a aidé ou pas, non? Quand j'écoute ça, genre, bah, ça donne à réfléchir. En tout cas, oui, ça donne à réfléchir. Ouais. Ça donne à réfléchir et beaucoup de personnes ont eu, ouais, effectivement la gorge nouée. C'est vrai. Après, ah ouais, ouais, c'est énorme, c'est énorme. Mais les paroles te viennent comment là? T'écris, tu prends un stylo? J'écris, voilà, ouais. J'écris. C'est-à-dire comme ça, t'écris, tu railles, tu dis non, ça c'est bon, ça c'est pas bon, après t'assembles. C'est exactement tout. Ça. Ouais. C'est exactement ça. Combien de temps pour écrire l'or blanc, par exemple? Bah, or blanc, celle-ci, le texte, je l'ai écrit à peu près en 20 minutes. Ah ouais? Et la musique, je sais pas, une heure et demie, deux heures. Et après, bon, forcément, il y a plusieurs semaines pour tout ce qui est mixage, ouais, mastering, ouais, et tout. Mais sinon, ouais, c'est assez rapide. Enfin, quoi, il y a l'aspiration, quoi. Ouais, tu rêves de quoi aujourd'hui, Clément? Mais de vivre de ma musique, ouais, et de, voilà, ouais, de percer. Et... faire de la thune. Non, déjà. Accessoirement, mais je veux dire, ouais, vivre de ma passion, quoi, parce que c'est réellement une passion, ah ouais, et donner de l'amour et de l'envie, comme tu disais aux gens, de, voilà, de s'en sortir dans la vie, et puis de, oui, d'être bien, tout simplement, quoi. Tu penses que par la chanson, on arrive à s'en sortir un petit peu, ou ça peut aider, peut-être? Mais écoute, en ouais, tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est moins nocif que les antidépresseurs et que, ouais, certains, ouais, médicaments. C'est sûr, c'est sûr. Et ce qui est bien avec la musique, c'est que c'est un langage universel, c'est-à-dire, ouais, que voilà, même si tu te fais pas comprendre de quelqu'un avec la parole, mmh, tu peux balancer ta musique dans le monde entier et te faire comprendre, tu vois. Dans ta relation amoureuse, je suppose que t'étais marié. Tout à fait, ouais, marié, ouais. Ça se passe comment avec ta femme? Tu lui envoies les textes, tu lui dis tiens, j'ai fait ça, écoute ça. Eh ben écoute, au tout début, ouais, je la sollicitais assez souvent quand même, mmh, pour qu'elle me donne son avis. J'ai un petit peu arrêté et diminué la cadence parce que c'est vrai que, par exemple, Or Blanc, elle l'aura entendu 46 fois pendant la préparation. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. À un moment donné, je comprends que ça saoule quand même, quoi. une petite aparté, là. Tu dis, j'écris sur des choses que je regarde ou que je vois. Si un jour tu t'engueules avec elle, tu vas faire une chanson. Non. Bah, pour l'instant, non. Enfin, il y a eu des engueulades, hein. Mais ouais, pas pour tout le monde. Non, mais tu pourrais faire une chanson le lendemain. On va te retrouver à Capella dans quelques minutes. Là, ça va être avec la guitare. Avec la guitare, ouais. Allez, tout à fait. Juste après mon pote Grégoire, Clément Dubreuil, la finale, c'est en live avec la guitare. Bougez pas. Voici Greg. Tu me prends par la main et que tu me dis allez viens on se casse. C'est quand la douceur de tes bras chauds, c'est quand la chaleur de tes lèvres sur ma peau. C'est quand t'arrives, dans combien de temps? C'est quand t'arrives et que tu me dis allez viens maintenant c'est le moment. Dis-moi c'est quand. C'est quand tu m'emmènes, c'est quand que ça commence. Ça finit cette rengaine imbécile de mon cœur en vacances. C'est quand tu m'emmènes, c'est quand le départ. C'est quand qu'on se promène sur une plage à la tombée du soir. C'est quand tu décides, c'est quand que tu oses. C'est quand le sublime, nos deux corps enlacés sur les pétales de rose. C'est quand je veux y croire, c'est quand tu m'enlèves, c'est quand notre histoire, et c'est quand le conte de fées dont on parle dans les rêves. Oh. Oh. C'est quand tu m'embrasses, c'est quand le désir, c'est quand qu'on se trace sur des routes inconnues à bouffer. C'est quand tu m'appelles, c'est quand t'hésites plus, c'est quand l'éternel, même si on se plante pas grave, je suis déjà perdu. C'est quand tu m'emmènes, c'est quand le bonheur, c'est quand que tu m'aimes, c'est quand que tu m'aimes. C'est quand tu passes, c'est quand tu me prends par la main et tu me dis allez viens on se casse. C'est quand la douceur de tes bras chauds, c'est quand la chaleur de tes lèvres sur ma peau. C'est quand t'arrives. C'est Grégoire, mon poteau. J'adore ce mec. Ouais, je vais pas raconter l'histoire à chaque fois. Hein. On l'adore. Grégoire sur. J'allais dire sur Vibration. Oh là là. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Grégoire sur Radio Arc-en-Ciel, et puis là, on va faire un petit acapella, le temps qu'on règle la guitare avec Clément, qui est toujours dans les studios de la radio. Toujours on là. On a écouté deux titres, Lettre à un fils, et puis Or Blanc, énorme. Et puis là, un petit live de 2-3 minutes, pour terminer ce bel interview avec toi, si tu veux. Exactement, on teste un peu la guitare, bon, vas-y, fais voir, joue un petit peu. Ouais, c'est pas mal. C'est bon pour toi? Ah ouais, on est pas mal. Tu me dis quand t'es chaud, Eh ben écoute, on peut y aller. Eh ben vas-y, en direct, sans filer comme on dit. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Je me demande souvent comment font tous ces gens pour passer le temps. Je me demande aussi pourquoi ces mêmes personnes ne savent pas qu'à force de faire la marionnette, des bouts de ficelle même dans la tête qui empêchent certaines connexions, ça ne les empêche pas d'être cool. Ils courent sur la plus grande avenue, ne pensent même plus à ce chemin, celui qu'ils ont dû emprunter pour un avenir, un destin. C'est trop facile de critiquer avant de parler, s'il vous plaît. Faites les mêmes pas, les marcher sur les routes, mon passé, vous verrez. Vous verrez. Vous verrez ce que j'ai vécu. Vous penserez que c'est facile, mais dites-vous que jamais plus, jamais plus je ne serai docile. La force des choses vous prouvera que maintenant je ne suis plus le même. Au lieu de faire les fanfarons, prenez soin de ceux qui vous aiment. Vous aimez aller frapper à la porte du voisin, et si jamais ça répond pas, coup d'œil dans la serrure, et demain vous direz, vous l'avez vu, qui vous a dit beaucoup de choses. Si c'est pas vrai, c'est pas perdu, chacun y mettra sa petite dose. Vous verrez. Vous verrez. Vous verrez. Oui, vous verrez. Que ça sert à rien extrapoler le déformé, ça sera peut-être un jour vos tours, et sûrement vous ressortirez le besoin d'aller crier sur la grande place de la ville, leur demander de vous lâcher et qu'à nouveau votre ciel brille. Je vous le dis, cette chanson vous est simplement destinée. Les opinions, les tragédies ont toujours fait beaucoup parler. Nettoyez bien devant votre porte avant de refaire le paillasson de votre voisin, votre pote, ou même de descendre cette chanson. Vous verrez. Vous verrez. Vous verrez. Bravo, applaudissements. Oh là là, franchement, bravo. Vous verrez quoi? Parle de quoi cette chanson, Clément? Eh ben écoute, elle parle simplement de beaucoup de langues de vipères, voilà, qui ont parlé, même des fois sans connaître la personne, ou qui ça arrive qui beaucoup, s'amuse. Ça. Ah ouais, ça arrive beaucoup. Tu parles beaucoup des problèmes de la vie. On a parlé de la drogue, on a parlé des problèmes général, de ton fils. C'est beaucoup des sujets sur la vie, tout ce exactement, qui se passe. Exactement, ouais. Exactement. Bah, tu sais, la vie, c'est quand même une source d'inspiration qui est assez énorme. Non, on pourrait écrire des bibles. Ouais, mais tout à fait. Autant soit peu que tu gardes les souvenirs les plus précieux en tête, ça permet de faire beaucoup de chansons et beaucoup de mélodies très belles. Ouais. Toi, la scène, ça t'intéresse? Ah, tout à fait, ouais. Ouais, t'aimerais faire des concerts. J'aimerais beaucoup, ouais, j'aimerais beaucoup. Ne serait-ce que tu vois des premières parties d'artistes. Ouais, c'est quelque chose qui m'intéresserait énormément. Ouais. Ça serait énorme. Ouais. Un concert qui est prévu quelque part, non? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, pas pour l'instant. Mettre ça en place un jour. J'aimerais bien. Voilà, l'appel est lancé. Voilà, on lance l'appel si vous êtes. S'il y a des personnes de la région qui souhaitent faire un concert. Alors j'ai à peu près 14 chansons sur l'album. Bien, ouais. Donc, bel album. Il s'appelle comment l'album? Cordes sensibles. Cordes sensibles. 14 chansons déjà dessus. Exactement. Il y a un bonus avec, non? Non, pas pour l'instant. Un petit bonus, tu vois. Pas pour l'instant. Ouais, à la rigueur, petit bonus des vidéos, des préparations, les making of ou voilà. Non, mais moi j'irais bien. Je te verrais bien au Printemps de Bourges, des choses comme ça. Eh ben, je me verrais bien aussi. Ouais, sérieux, c'est. Mais pour l'instant, le problème, c'est que c'est le Printemps de Bourges qui me voit pas, tu vois. Donc. Faut voir. Bah, pour l'instant, c'est même pas s'il va avoir lieu avec le corona. C'est mal barré. Là. Ouais, c'est mal barré. En tout cas, à bientôt 18h. Merci d'avoir été notre invité, Clément Dubreuil. Écoute, merci à toi, Francky, de m'avoir reçu. En tout cas, bah bravo, félicitations. Hein. Là, tu m'as surpris. Hein. Merci. On se connaît un petit peu, mais là, moi, je suis tout oui. Voilà, c'est notre facette de moi. Ouais, c'est ça. Bah, une belle facette, en tout cas. Une belle boule à facettes. Merci d'avoir été notre invité, Clément Dubreuil, en direct sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 à 18h46 minutes. Retrouvez ton Facebook. T'as une page. Ouais. Alors donc la page officielle, c'est Dubsy. Donc Dubsy, D-E-U-B apostrophe C-Y. Ouais. Et sinon, bah ma page perso, hein, Clément Dubreuil. Et voilà. Et YouTube également, Dubsy officiel. Voilà, Dubsy, D-E-U-B. Plus loin, c'est Y, voilà. Et pas un quintet, hein, comme je disais tout à l'heure. Hein. Non, si on peut éviter, ça m'arrange. On peut éviter. Merci Clément. Merci à toi, Francky. Le bon son, tiens, tu aurais pu faire la première partie des Louis Bertignac, tiens, pourquoi pas. Hein. C'est vrai. Ça serait bien. C'est voici vrai, les visiteurs. Allez. Bébé, faudrait rentrer, tu vois. Je suis en mal d'être avec toi. La machine à café détraquée, les cendriers. Et des heures passées devant la mire de ma télé, des nuits sans dormir, à me demander, tu peux bien aller. Un doute en moi s'est figé. Oh, tu ne vas plus rentrer. Je peux faire une croix sur toi. Comment ne pas m'imaginer ta petite gueule entre ses bras? Comment ne pas crier? Comment ne pas pleurer? Oh, je suis fatigué. Thank you. Mais un souvenir, ex-membre du groupe Téléphone, Louis Bertignac, avec les visiteurs à l'époque, ces idées-là. Ça nous rappelle de bons moments. Et puis Jennifer qui arrive, du temps, on vous en donne. 18h52, demain la météo. Le ciel est couvert, encore de la pluie, malheureusement. Les températures 8 à 14 degrés. On vous donne le temps, tout de suite avec Jennifer. Tant de gens veulent tellement être aimés. Jennifer, donne-moi le temps, je me barre tout seul parce que je vous ai donné le temps tout à l'heure. 8 à 14 degrés demain, des nuages et de la pluie malheureusement. Et bonne nouvelle, normalement ce week-end, le soleil devrait faire son apparition vendredi et samedi. Electric Shock arrive en moins de 5 minutes en direct sur l'arc-en-ciel avec Christophe qui se prépare. Et puis le son disco de l'époque, de l'année 80, avec le groupe ABBA et Gimme, Gimme. Radio Arc-en-Ciel avec le meilleur souvenir, les années 80 avec Abba, Gimme, passez une excellente fin d'après-midi, un bon début de soirée pour certains. Et moi je vous retrouve lundi prochain à partir de 16h jusqu'à 18h et le mardi 17h, 19h en vague. La semaine prochaine encore plein d'invités. Ça démarre tout de suite, Electric Shock avec Christophe dans les studios de la Radio Arc-en-Ciel à tout pile 19h. Bon début de soirée. Allez, à tout de suite. Electric Shock, ça démarre et c'est tout de suite à 19h. Here we go.